ça nous javit. Parce que depuis on descend, flamme chandelle la qu'affaibli. Si nous pas prend précaution et si nous pas réagir, la vie qui est installée, pêche à nous en fait noir. Prends garde pour l'indifférence, pas fait nous dormir de poudre. Ça vient bon de temps en temps, méditer en laissant. C'est pas tout de nous aimer, l'amour tout besoin en ballant. En nous vit les grands avant, les nous t'es tout fait connaître. Pour nous vivre.